Je regarde la ville avec les yeux de Neptune. Et le ciel éclate comme de l'argent poli. Les giboulées transforment l'espace en rêve. Je ne distingue plus les formes. Je vois seulement la lumière qui règne et me régénère. M'évaporer à n'importe quel moment, me dissoudre dans la lumière glaciale du printemps naissant, devenir pureté, le vent souffle, mais le temps s'est arrêté. À travers la brume et le ciel à la vie pâle et gris. Au loin les grandioses cumulus se dressent comme des vaisseaux. L'architecture céleste, les sculptures antiques, les montagnes de vapeur phallique gonflées de protubérances épiques. Ces témoins silencieux que nous n'écoutons pas. Il me semble que je contemple un tableau. Un paisible étang où la vie s'assoupit à la surface. Instant qui est autre, l'horizon d'une altérité future est pleine de bonheur. Mais il est déjà trop tard. Atomes d'argent qui dirigent les mers et les